Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Le vélo partage, c'est un principe très simple. Bénéficier d'un vélo sans en posséder un. Alors jusqu'ici, ça marchait à peu près bien. Mais aujourd'hui, la roue, c'est comme voilée. Tout a débuté ainsi. 300 millions d'utilisations en 10 ans. Ce vélo gris s'est totalement intégré au quotidien des Parisiens. Malgré son succès, celui que l'on appelle Vélib va disparaître. Que va donc faire JC Déco de son parc d'environ 18 000 vélos? Plusieurs pistes sont évoquées, comme par exemple la vente aux particuliers. Est-ce que moi ça m'intéresserait d'acheter un Vélib? Ben non, c'est à l'opposé de l'idée même du Vélib. Moi ce que j'apprécie là, c'est le partage des vélos. C'est-à-dire que je vais le poser là, je vais me mettre à marcher, prendre le métro, aller ailleurs, et j'ai pas envie de revenir chercher mon vélo. Pour un Vélib comme ça, 75 euros? 50, 75 euros? Ouais, mais pas plus. Une somme bien en deçà du prix d'achat d'un vélo, qui oscille entre 500 et 600 euros. Autre piste possible, la revente en pièces détachées. Aucune solution n'a pour le moment été trouvée. Alors, comme bien souvent, les vrais superfels sont pavés des meilleures intentions. Adrien Lelièvre, vous êtes journaliste aux Échos. Pourquoi fallait-il se débarrasser de JC Deco, qui était donc l'ancien prestataire de services pour Vélib? Pour une raison assez simple, il y a 10 ans, il y a eu un appel d'offres, une durée de 10 ans qui est arrivée à expiration à la fin de l'année 2017. Donc il fallait trouver un nouveau remplaçant au Vélib. JC Deco a de nouveau candidaté, mais son offre a été jugée moins intéressante que celle proposée par Smooth & Go, qui a raflé finalement le marché l'an dernier, un peu à la surprise générale. Et elle était vraiment moins intéressante ? Smooth & Go, c'est une petite entreprise de Montpellier qui opère déjà dans plusieurs villes, Montpellier, Nice, mais également à l'étranger, Moscou. Et effectivement, l'offre de cette entreprise paraissait attrayante pour au moins trois raisons. Il paraissait plus difficile de dérober, de voler les vélos attachés aux bornes. C'est un des gros problèmes rencontrés par JC Déco ces 10 dernières années. Le vélo proposé par Smooth & Go était un peu plus léger et plus moderne. Et pour avoir beaucoup utilisé les Vélib, je peux vous assurer que c'était parfois un peu fatigant de faire du Vélib sur un vélo de plus de 20 kg. Et puis l'offre de Smooth & Go était un peu plus connectée et ça répondait davantage aux usages de nos jours en fait. Et en termes d'argent ? Et en termes d'argent, c'est une petite entreprise qui grossit et qui essaye d'étendre son empire du vélo en France et à l'étranger. Et l'offre a été jugée de façon quasiment unanime supérieure en fait à celle de JC Deco. Et alors justement, on se dit que c'était peut-être entre guillemets facile pour eux, parce que aujourd'hui, lorsqu'on veut louer un nouveau Vélib, eh ben on n'y arrive pas. Eh bien, on n'arrive pas parce que l'entreprise rencontre des gros problèmes. En fait, depuis le 1er janvier, Smooth & Go doit installer ses nouvelles stations, non seulement à Paris, mais dans toute l'Île-de-France, puisque le nouveau Vélib touchera quasiment 70 villes. Donc, c'est quand même un très, très gros chantier. Et l'entreprise a déjà pris beaucoup de retard pour installer les nouvelles stations, puisque à ce jour, il n'y a même pas 100 stations qui sont opérationnelles, alors qu'à l'origine, 600 stations devaient avoir ouvertes au 1er janvier. Mais ça, quand même, Adrien Lelièvre, c'est pas vraiment une surprise. On les avait prévenus que s'ils avaient un gros marché, eh ben, ils auraient une grosse installation derrière. C'est vrai que le chantier s'annonçait difficile, mais il faut croire que l'entreprise a peut-être sous-estimé les risques d'un tel chantier. Ils ont sous-estimé aussi le fait que ce serait difficile d'électrifier les nouvelles stations, parce que 30% des nouveaux Vélib seront assistance électrique, donc il faut faire passer des câbles, etc. Et il semblerait qu'ils aient rencontré beaucoup de problèmes pour électrifier ces nouvelles stations. Du coup, est-ce qu'on peut être globalement pessimiste? Est-ce qu'on peut se dire que, à nouveau, on va marcher avec ses pieds? Ce qu'on peut affirmer en tout cas, c'est que les prochains mois seront un peu compliqués, puisque en fait l'entreprise doit installer encore 1300 stations d'ici le 31 mars. Donc les prochains mois risquent d'être un peu compliqués pour les usagers du Vélib. Mais une fois que le système sera pleinement installé, je pense que ça devrait rouler comme sur des roulettes, parce que ailleurs cette entreprise a fait preuve d'un certain professionnalisme et ses services sont assez appréciés par ses usagers. Donc ça veut dire que vous ne prévoyez pas un retour à une situation satisfaisante avant quand même un certain laps de temps? On savait dès le départ que jusqu'en mars prochain, le service serait en partie seulement fonctionnel. Donc ce qu'on ne savait pas par contre, c'est que les débuts seraient aussi laborieux. Mais d'ici le 31 mars, si Smooth & Go parvient à accélérer la cadence, le service pourrait fonctionner à peu près correctement au printemps. Rappelons-nous ici qu'il s'agit ni plus ni moins que de créer le plus grand service de vélo partagé en Europe, les amis. Mais donc c'est quand même une grosse bourde de la mairie de Paris. C'est pas tant la mairie de Paris, c'est Smovengo qui a sans doute commis des erreurs pour installer ces nouvelles stations. C'est un problème pour la mairie de Paris dans la mesure où Anne Hidalgo a des grandes ambitions en matière de vélo. Elle n'a de cesse de répéter qu'elle veut faire de Paris la capitale mondiale du vélo. Pour elle, c'est un vrai marqueur politique, le vélo, parce que c'est considéré comme un des plus grands succès de la mairie socialiste des dernières années. Le vélo, c'est vraiment un concept qui est rentré dans les mœurs des Parisiens. Et donc, en termes d'affichage politique, le fait qu'une entreprise qui a été choisie par le syndicat mixte Vélib Autolib essuie de telles difficultés dès le départ, ça fait un peu mauvais effet. Mais on avait commencé à dire que le vélo partage, c'était pas une si bonne idée que cela. C'est-à-dire que sur le papier, tout était merveilleux. On n'a pas besoin d'un vélo en permanence, sauf quand on est Eddy Merckx. Donc, c'est une bonne chose de pouvoir l'enfourcher uniquement quand on en a besoin. Dans les faits, en réalité, ça coûte plus cher. Alors, ou bien directement à la ville quand elle paye, ou bien directement parce que on voit bien qu'on a une concession, si le concessionnaire n'est pas rémunéré, il se rémunère, par exemple, en vendant de l'achat d'espace publicitaire en ville. Est-ce que c'est vraiment une si bonne idée que ça ? C'est une bonne idée dans la mesure où ça permet aux Parisiens de se déplacer assez facilement. Il y a des stations, enfin il y avait en tout cas des stations de vélib à peu près partout dans la ville. C'était très très simple pour un habitant de prendre un vélo en bas de chez soi, d'aller au travail ou d'aller au café ou d'aller à la salle de gym. Par contre, d'un point de vue purement financier, ça a toujours été un gouffre, le vélib. Ça a toujours coûté très très cher. Et la mairie de Paris, elle disait que au fond, c'est un produit subventionné un peu comme le métro ou comme le RER. Est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent avec le métro ou est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent avec le RER? Sans doute pas. Est-ce qu'il faudrait en gagner avec le Vélib, par exemple? Si on part du principe que c'est un transport public, un peu comme un autre, on peut à la rigueur accepter qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, voire qu'on en perde. Nous avons fait le test en plein Paris, à deux pas des grands magasins. Sur l'application Gobibike, où nous avons ouvert un compte, des dizaines de vélos en libre service sont géolocalisés dans le quartier. Coup de chance, à seulement quelques mètres, en voilà un. Un simple code à scanner. Aussitôt, l'engin est disponible. Combien de ces nouveaux vélos sont en service? Aucun chiffre. C'est un secret bien gardé, preuve que la concurrence est rude. Mais depuis leur mise en service, certains ont déjà fini leur course à l'eau, au fond de la Seine. Alors il y a en tout cas des petits malins qui ont profité des problèmes du Vélib. Ce sont donc ces opérateurs qui proposent désormais des vélos en free-floating à Paris. Alors le free-floating, c'est un terme anglais barbare qui signifie qu'à la différence donc des vélos traditionnels où là il y a des emplacements avec des bornes, on remet son vélib, là on a la possibilité d'emprunter un vélo sans borne et de le rendre évidemment sans borne. Et là, on se rend compte que c'est un autre superfell. C'est vrai, donc les entreprises dont vous parlez, c'est Obike, Gobibike et Ofo. Ce sont des entreprises qui sont originaires d'Asie et qui se sont lancées cet automne en plein processus de démantèlement des stations de Vélib de JC Deco. Donc elles se sont lancées à un moment où il y avait une espèce d'alignement des planètes parce que les Vélib étaient en train d'être retirés du marché et donc il y avait des besoins entre guillemets pour les cyclistes. Et elles proposent donc un service qui est assez innovant puisque, à la différence du Vélib, une fois qu'on a enfourché son vélo flottant, on peut le déposer à peu près n'importe où. Sauf qu'on s'est aperçu assez vite que ces entreprises était en but au vandalisme et à la privatisation des vélos par certains de ses usagers. Le vandalisme, c'est bête et méchant, c'est un vélo qui n'est pas attaché à une borne qui peut être balancé dans la Seine ou qui est endommagé ou qui, quand il y a des rafales de vent, se retrouve par terre et est cassé. La privatisation, c'est un autre problème parce que certains usagers font un trajet assez court, ils quittent leur travail pour aller chez eux et au lieu de laisser le vélo sur le trottoir, ils le mettent dans le hall de leur immeuble ou alors dans leur garage. Donc pendant ce temps-là, le vélo flottant ne peut pas être utilisé par les autres clients. Et une des entreprises qui s'est lancée récemment à Paris, c'est Gobibike. Et c'est une entreprise qui était vraiment pionnière parce qu'elle s'est lancée en octobre à Lille, à Reims, à Bruxelles et puis un peu plus tard à Lyon. La semaine dernière, on a appris que cette entreprise avait dû retirer quasiment toute sa flotte de vélos à Reims, à Lille et à Bruxelles. Donc 2 mois à peine seulement après le lancement de cette offre de free-floating, la start-up a acté son fiasco, entre guillemets, et a retiré toute sa flotte de vélos. Pour l'instant, Gobibike reste présente à Paris et à Lyon, mais si ces vélos connaissent le même sort qu'à Lille et à Reims, le modèle économique de cette entreprise risque de ne pas faire long feu. Mais alors, on se dit quand même que c'est un peu cher parce que c'est 50 centimes la demi-heure. Et alors, lorsqu'on prend l'un de ces vélos qui n'est pas, comment dirais-je, un vélo de compétition, voilà, on va le dire comme ça, on se dit qu'en fait, le modèle économique de ces entreprises, c'est de prendre des vélos qui sont vraiment pas de très bons vélos, donc on imagine qu'ils les payent quelques dizaines d'euros lorsqu'ils les achètent en bloc, et ils se disent, bon an, mal an, même s'il y a beaucoup de vélos qui se retrouvent vandalisés, on va quand même réussir à gagner de l'argent. C'est ça, le modèle économique de ces entreprises ? Oui, mais après, ce qui est certain, c'est que les patrons de ces entreprises savent d'emblée que les marges, en fait, seront faibles, parce que s'il y a un fort taux de vandalisme, on ne peut pas gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Après, concernant le prix, 50 centimes pour une demi-heure de vélo, c'est pas grand-chose, finalement. Si vous prenez un ticket de métro à Paris, c'est 1,80€, 1,90€, dans ces eaux-là, donc c'est quand même trois fois moins cher pour une distance parcourue qui peut être équivalente. Après, toute la question qui se pose, c'est est-ce que ces entreprises pourront survivre si le vandalisme est aussi élevé ? C'est un problème qui se pose à Paris et dans les villes dont j'ai parlé tout à l'heure, Reims, Lille, Bruxelles, mais c'est un problème qui se pose partout ailleurs. En Angleterre, il y a également un taux de vandalisme qui est assez élevé. En Chine, où le concept a vu le jour, il existe à ce jour des cimetières géants de vélos en libre partage cassés ou totalement détruits. Donc il faudra voir, on n'a pas beaucoup de recul pour l'instant parce que ces entreprises sont assez jeunes, mais il faudra voir sur le long terme si elles peuvent prospérer. Et alors justement, est-ce que ce superfail en matière donc de vélo en free-floating et en libre partage était-il prévisible, Adrien Lelèvre ? Il y a beaucoup d'experts du vélo qui pronostiquaient effectivement un échec. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, le patron de Smooth & Go, Laurent Merca, avait dit ce modèle ne peut pas marcher parce que à cause de l'absence de stations, il y aura des dégradations colossales. Aujourd'hui, effectivement, les acteurs du free-floating sont en échec. Et ce qui est un peu ironique, c'est que Laurent Merca, qui a lancé donc, du coup, le Vélib à Paris, est lui-même en échec. Allez, un superfail pour le prix de deux, ou plutôt deux superfails pour le prix d'un. Merci Adrien Lelièvre, merci Anaïs Isebaer d'avoir raté cette émission, Théo Gomard l'a foiré et Jean-Christophe Francis l'a piétiné. Super fête.